chercher. Quand il vient me chercher, il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je l'aime et je peux lui offrir.